Welcome dans mon millénium, on s'arrête pas à la limite. Et je traîne la plume avec des niggers de minutes. Je pète coupable pour tout ce pourquoi on m'accable. Je pète un câble pour esquiver tout ça. J'aimerais que chaque minute m'aide, mais j'arrive pas à être moi macabre. Vu que le temps fait tout à ce qui paraît, j'attends aujourd'hui daron et tonton en même temps. J'ai pigé que la vis-vis sur un film et en reste des trapézistes. Parmi les istes, 2008 ans après la naissance des premiers racistes. Entouré de ceux qui persistent à ce qu'on sache à tout prix qu'ils existent. On résiste pourtant moulin à parole comme Jean. On reste sans indice dans l'attitude. Nord-sud, est-ouest, déclenche le SOS sous toute latitude. Demande à 2-6, du 2-7 au 7-6 ou 1-3. La vérité c'est le maître mot. Je traîne le bitume au bras droit d'Esca. Les voix comme cité, comme étant les proies. Aux côtés des hommes, genre 2M, DTH, neurones sous TH connectés. R-O-U-E-N, Calville, Marseille. Demande à Slimane, c'est encore demain la veille. Y'en a marre des dièses, les gens qui disent que je brasse trop. Faut mieux gratter 10% de quelque chose que 100% de rien du tout. J'irai plutôt que je brasse trop. Si tu veux monter, investis dans l'honnêteté. Ça fait grimper les billets, on ne pourra rien te reprocher. D'ex-gosse malade, meurtri par l'indifférence contre sens et par terre fleurie. Chemin de ronce, adepte d'un sport de gueule. En guise de référence, revient toujours le même thème. Nous, notre persévérance, on pense qu'à la perte et le fracas. Quand on pose salive en offensive, tous armés, pas de tracas. Je ne blague pas, l'humour s'éteint quand les nerfs l'emportent. Amoureux d'une alchimie, je transforme mes lettres en colle. Pour ma part, coq de combat à la mâchoire d'un tyranno. Ou danse macabre, seul macadam en transe dans ma démo. Je sens pas encore toutes les emmerdes avec le zen d'un Cyrano. Mais je vois clair. Et j'avance, on a l'effet. Dynamo, j'emporte dans ma course tout ce qui en valent le coup. Le crew ping-pong du mal pour les autres, c'est gros pour gros 5 blases. Authentique rage dans les faces, contraint de rapper pour qu'on nous entende, on a sauté sur l'occasion. Au fait pour une connexe, nord, sud, plusieurs MC pour ces terribles morts. Sur récit de nos blessures, le mal perdure, on s'y perd. Une autre musique nous libère, c'est sûr, c'est sûr. Celle de ce freestyle, deuxième qui est bien hâte, qui mitraille, qui défouraille, qui sans les tailles, qui achète des balles, qui balance. C'est pas le 5-artiste bombier. Y'en a marre des dièses, les gens qui disent que je brasse trop. Faut me gratter 10% de quelque chose que 100% de rien du tout. J'irai plutôt que je brasse trop. Si tu veux monter, investis dans l'honnêteté. Ça fait grimper les billets, on ne pourra rien te reprocher. Ne me demande pas ce que je kiffe, mon taf à moi c'est de kick, jamais d'esquive. Partout je passe, jamais je détasse, hein, je laisse ma trace, tu piges. C'est dans le 7-6 ça se passe, là où les frères brassent nos aides à débrouiller aux bises de caisse quand les gendarmes sommeillent. Rien à foutre, fuck le taf, c'est place aux bises. Pendant que les MC font leur buzz, la même merde du intro au 7-6. Seule issue, l'écriture comme seul échappatoire. Des rimes tellement barbares qu'on croyait que je tape dans un abattoir. Dans ce rap bise venu, rafler la mise, quoi qu'ils disent tout, je les allume. Reconnais le place, moi c'est 2-6, je vise le beat à bine. Des phrases, des faces, des bifs, je le réanime, flow électrique, venu baiser ta team. Ça tire et ça je sais, quand t'entends ça déjà tu sers. Trop abusé car eux-mêmes ça pleure tête bouge en concert. SKA verbal, 2M2O, Slimane tu vas kiffer alors vas-y, fais passer le mot. Y'en a marre des dièses, les gens qui disent que je brasse trop. Faut me gratter 10% de quelque chose que 100% de rien du tout. J'irai plutôt que je brasse trop. Si tu veux monter, investis dans l'honnêteté. Ça fait grimper les billets, on pourra rien te reprocher. Y'en a marre des dièses, les gens qui disent que je brasse trop. Faut me gratter 10% de quelque chose que 100% de rien du tout. J'irai plutôt que je brasse trop. Si tu veux monter, investis dans l'honnêteté. Ça fait grimper les billets, on pourra rien te reprocher.